raconter pourquoi as-tu vécu. Le pouvoir, le fric ou le cul. T'as toujours été bien propre sur toi. Et aujourd'hui, regarde-toi. De procession en anathème, t'as fait ta place à coup de haine. T'es con, t'es moche, mais t'as du fric. Eh mec, tu devrais faire que la politique. Tu brûles des cierges à saint profit. Tu passes de lit en délit. Pour sûr, t'as réussi ta vie. Trafiquant d'âmes, voleur de vie. T'as déjà réservé ta place pour Vénus, la Lune ou sur Mars. Des charters de cons sur orbite. Ça fait de la place, c'est pratique. J'ai composé de Requiem à la mémoire de ceux que j'aime, pour les enfants de Treblinka, du Rwanda ou de Gaza, car c'est toujours le même sang, ici ou là, qui se répand. Je dis aux larmes citoyens. C'est l'humanité qui s'éteint. Ciao.